Bonjour et merci toujours d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Alors, nous étions arrêtés lors de l'épisode précédent sur le mariage entre Chilpéric et Glasvinte. Alors, pour l'instant, donc Glasvinte est toujours fiancée de Chilpéric, elle ne le connaît pas, elle ne l'a pas vu, et elle quitte à 17 ans la cour raffinée et élégante de Tolède pour rejoindre la cour plus sombre, plus frustre, plus barbare. Du roi franc Chilpéric, et qui se trouve à ce moment-là dans la ville de Rouen, en Normandie. Il est possible d'ailleurs que Glasvinte a été convaincu par sa sœur Brunehaut, qui elle est déjà mariée au roi Sigebert, de venir. Évidemment, Bruno y voit un intérêt, peut-être un intérêt un peu égoïste, celui d'avoir sa sœur juste à côté. Et d'ailleurs, il est probable que Brunehaut attend sa sœur dans une des villes qui ont été rattachées récemment au royaume d'Austrasie et qui se trouvent sur la façade atlantique, que sont donc les villes de peut-être de Tours et les villes, oui, c'est ça, de Tours, de Vendée, enfin qui se trouvent entre la Vendée, les Pays de la Loire. Poitiers. Donc le long cortège avec la dot romaine, c'est-à-dire la dot que le père verse au fiancé, s'ébranle lentement à partir de Narbonne et remonte en réalité le tout nouveau territoire de Chilpéric. D'ailleurs, ce territoire est tellement nouveau que Chilpéric n'a pas effectivement pris possession de ce territoire. Et pour marquer la prise de possession d'un territoire, lorsqu'on est un seigneur de cette époque-là, il faut en réalité aller d'un château à un autre, rencontrer les représentants du roi précédent, et ce sont des territoires que Chilpéric avait récupérés sur son frère, eh bien, sur son frère Caribert. Eh bien, il faut que, en réalité, remplacer les hommes de Caribert en mettant à la place les hommes de Chilpéric. Bon. Alors, il décide de faire d'une pierre deux coups et il profite, en réalité, de ce convoi de Glasvinte qui est accompagné depuis Narbonne jusqu'à Rouen pour remplacer tous ces hommes, tous les hommes de Caribert et pour mettre les siens propres. C'est pour ça, en réalité, que dans le convoi qui transporte Glasvinte, il y a cette garde franque qui est extrêmement fournie, mais qui n'est pas là uniquement pour défendre Glasvinte contre d'éventuels pilleurs, mais aussi qui est là pour justement faire ce travail de remplacement des représentants du roi sur place ou de confirmation des représentants du roi sur place. Donc les comtes, en général ce sont les comtes, sont remplacés les uns après les autres et par les comtes nommés par Chilpéric. Remplacé ou bien nommé à nouveau, mais par Chilpéric lui-même. Enfin, c'est de la politique politicienne comme nous connaissons encore aujourd'hui. Donc, elle arrive, Glasvinte arrive jusqu'à Tours, à Poitiers, dans les terres, dans l'enclave de Sigebert, à l'ouest du royaume franc. Et là, elle doit sûrement rencontrer sa sœur Brunehaut, qui est toute contente de voir sa petite sœur arriver. Et elles se font toutes les promesses de la terre. Lui promet de l'écrire souvent. Elle la rassure. Et voilà. Et ensuite, elle arrive évidemment dans la cour de Rouen. Alors, elle est accueillie par un Chilpéric qui est déjà un petit peu frustré, un peu énervé contre ces Wisigoths, puisque, à cause de la tradition wisigothique du mariage monogame, eh bien, Chilpéric a dû renvoyer sa première femme, Audovaire, qu'il a fait enfermer dans un couvent. Et puis Glasvinte, en fait, arrive finalement dans une cour, elle est assez mal accueillie. Elle se retrouve d'ailleurs en butte à une esclave tout à fait détestable qui partage la couche du roi et qui s'appelle Frédégonde et qui la regarde d'un mauvais œil. Très très très jalouse. Donc la pauvre jeune femme de 17 ans est un peu livrée à elle-même dans cette cour hostile. Elle peut évidemment bénéficier de la protection de son puissant père, Athanagild, et évidemment de sa sœur qui n'est pas loin et qui influence beaucoup finalement le frère de Chilpéric, Sigebert. Malheureusement, le père de Glasvinte meurt en 568. Elle n'a plus de protecteur. Et donc, Chilpéric se dit, bah, c'est très bien, en réalité, cette alliance avec Glasvinte ne m'intéresse plus du tout. J'ai fait ça uniquement parce que voilà, ça me permettait d'éviter que les Wisigoths me fassent la guerre. Donc, eh bien, je vais essayer de récupérer le Morgengabeu que j'ai donné à ma femme, mais il ne sait pas comment le faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si il se sépare de Glasvinde, il ne peut pas remettre la main sur le Morgengabeu puisque Glasvinde partirait avec le Morgengabeu, qui est en réalité une réserve faite à sa descendance. Et elle pourrait d'ailleurs le transmettre, non plus à son père qui est mort, mais au moins à son oncle, qui a repris la succession de son père, comme roi des Wisigoths. Et puis l'autre chose, c'est au cas où, évidemment, Chilpéric meurt avant Glasvinte, Glasvinte récupère toujours le Morgengabeu et peut toujours le transmettre à un Wisigoth. Or, comme on sait que le Morgengabeu jouxte en réalité le territoire wisigoth, ben les Wisigoths ont tout intérêt à mettre la main dessus. Et puis, donc, ce qu'ils décident de faire, c'est que le seul moyen finalement de récupérer ce Morgengabeu, c'est d'assassiner Glasvinte. Alors un soir, il s'introduit dans la chambre de sa femme et l'étrangle avec ses draps. Puis, le lendemain, pleure abondamment, respecte le deuil, et 3 semaines plus tard, se marie avec cet esclave détestable qui s'appelait Frédégonde et qui devient sa femme. Malheureusement, le roi des Wisigoths se rend compte évidemment de la supercherie et considère qu'en réalité, Glasvinte a été assassiné. Brunehaut est folle de rage, voir que sa sœur a été tuée à si bon compte. Et elle demande à Sigebert de faire quelque chose contre son frère Chilpéric. Sigebert n'a pas du tout envie de rentrer en guerre contre son frère Chilpéric. D'abord parce qu'une guerre coûte cher et en réalité le résultat n'est pas bon. Et surtout, Chilpéric est très déterminé et pourrait d'ailleurs emporter cette guerre. Donc il finit par assigner son frère en justice. Et Gontran s'improvise arbitre. Gontran, lui, est très soucieux, très inquiet de la division du royaume franc. Mais bon, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Comment se passent en réalité les suites de cette tragique histoire? Merci et à bientôt.